Comme à tous les jeudis, c'est la chronique des castors de Dolbeau avec notre ami Daniel Tremblay. Salut Daniel. Salut Danny, ça va Oui, bien? ça va bien Daniel. Hey, Daniel, deux matchs la semaine passée. Votre équipe devait être contente de jouer deux matchs. Oui, je vais le dire que ça fait du bien. C'est plaisant de jouer davantage. Puis, bon, écoute, ça a bien été. Ça s'est soldé les deux matchs par deux OK, victoires. OK. Donc, on va y aller avec les deux matchs maintenant. OK, fait que samedi midi à 12h30 à l'aréna de Normandin, on a la partie s'est terminée 7-4 pour nous contre Chibougamau. Ça a été un match, écoute, où les joueurs ont travaillé extrêmement fort. Je vais te dire que les quatre buts que Chibougamau ont fait, moi je crois qu'il aurait dû en avoir juste deux. On en a peut-être accordé deux de trop. Mais mes joueurs ont très, très bien travaillé. Tout s'est bien déroulé. Puis on était très satisfait de cette performance-là. Ce que je trouve un petit peu de valeur pour l'équipe de Chibougamau, parce qu'ils ont une très belle équipe. Ils ont une équipe jeune, mais ils ont une très belle équipe. Puis moi, je trouve qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont. Ils ont juste deux victoires depuis le début de la saison. Puis Caroline, qui ont une belle équipe. Moi, je pense que si ces jeunes-là ne lâchent pas, ils devraient apprendre beaucoup, puis les autres familles vont être assurément à surveiller. C'est sûr que je veux pas blâmer Michael, puis il fait son gros, gros possible. Bon, là, toutes les semaines, au même titre que toi, mais c'est vrai qu'un Roch Beaulieu, dans ce temps-là, ça ferait peut-être un peu mieux. Puis ça, c'est pas ça être Michael. Puis Michael respecte beaucoup Roch, donc il va savoir de quoi je veux dire, là. Donc, aussi, il faut dire que cette équipe-là, aussi, c'était l'équipe Bantam, là, 2-3. C'est la même équipe, c'est la même cohorte, là. Puis ça avait été très difficile, donc il traîne ça, là. Oui, effectivement. Par contre, vois-tu, dans le midget, tu joues 3 ans. Fait que vois-tu, ses troisième année à lui cette année n'ont probablement pas, et je veux rien leur enlever, mais ils n'ont probablement pas la qualité des troisième années que nous, Saint-Félicien, ont cette année. OK. Mais c'est cyclique, le hockey, hein? Parce que, écoute, ça Exact. fait des années, pendant des années, les castors, c'était pénible aussi, là, faire des entrevues avec les castors, là, tu sais. Moi, c'est pas mal le fun cette année, je l'ai dit. Je pense que ça ressent. C'est la meilleure année depuis les frères Martin à Dolbeau. Vous devez nous apercevoir sur ces assistances. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, Chibougamau, ça va relever aussi, là. Effectivement, c'est pas facile pour Chibougamau. Nous, ben écoute, on est très contents. On est sur 11 matchs en ligne sans défaite en temps réglementaire. Ça fait effectivement un bon bout de temps qu'on n'a pas vu ça. Mais écoute, le crédit va aux joueurs. Et aux entraîneurs aussi, Daniel. Faut quand même, tu sais, les castors, il y a des joueurs qui ont connu des années là difficiles, là, et ça prend des entraîneurs pour faire de la psychologie positive, pour permettre aux joueurs de croire à ça. Puis ça, c'est le travail des entraîneurs, là. Faut quand même prendre le crédit aussi. Ben écoute, c'est sûr qu'on est très organisé. Moi puis mon staff d'entraîneur, on est très organisé. On ne minimise pas les efforts, mais pas du tout. On est toujours à 200%. Fait que veut, veut pas, dans ce temps-là, les jeunes, on peuvent pas donner la moitié de leur capacité. Ils voient les entraîneurs qui se donnent corps et âme pour l'équipe, mais ils n'ont pas le choix de se donner corps et âme. Puis on a vraiment une équipe de jeunes qui est facile. On a une équipe de joueurs qui sont respectueux des consignes, qui sont imprégnés du logo des castors. Tu sais, c'est oui, les entraîneurs aussi, mais je te dis que on a vraiment des jeunes exceptionnels. OK. Puis c'est plus le fun pour les... C'est-tu ta meilleure année que tu as le plus de plaisir à diriger? C'est pas la première fois que tu as dirigé les éperviers, je t'ai connu avec les éperviers. Là, je vais pas te mettre sur le. Mais c'est-tu ta meilleure année que tu as le plus de fun? Écoute, à moins que je me trompe, les Éperviers, on a fait 19 matchs en ligne sans OK. défaite en temps réglementaire. Fait que, mais c'est pas la même chose. Ça se compare pas. Du midget et du junior 2A, ça se compare pas. C'est vraiment pas la même chose. Puis si tu poserais la question à ma conjointe, elle te dirait, mon Dieu, Daniel, il aime toutes ses années. Parce que moi, j'aime tout le temps ça, je suis à manche, OK? J'aime tout le temps En ça. fin de semaine maintenant, en fin de semaine, du côté des Castors, je cite la Ligue. Bon, il y a un match contre les Saguenay de Chicoutimi. C'est ça? Oui, on a un match samedi contre les Saguenay de Chicoutimi à 19h30, je crois, à l'aréna du Plateau. Puis le lendemain, à midi et demi, contre les Marquis de Jonquière au Palais des Le Sports. meilleur joueur des Saguenay, c'est de loin Philippe Tousignan-Rouchon, 10 buts. C'est 10 buts, 5 passes. C'est le gars surveillé, ça? Ouais, c'est un fait. Après ça, c'est un fait, sauf que moi, je vais te dire que nous, on marche davantage à ce que les équipes surveillent les nôtres que nous surveiller les autres. Okay. Moi, je veux que les autres s'adaptent à moi et non pas que mes joueurs s'adaptent à l'autre équipe. C'est sûr que des fois, on a des stratégies qui changent selon les types d'équipes qu'on rencontre, mais outre parfois opposer un trio, on essaie davantage d'imposer notre tempo à nous, nos stratégies à nous, plutôt que de suivre des autres. Le lendemain, à Jonquière contre les Marquis, c'est ça? Oui, c'est bien ça. OK, donc vous couchez pas là quand il y a deux matchs au Saguenay-Lemain, vous revenez, hein? Oui, on va revenir, mais je vais te dire que c'est parce que c'est coûteux, parce que sinon on aurait couché, parce que vois-tu, on joue le soir à 7h30, ouais. Donc le match n'est pas fini avant 9h15, le temps que les joueurs se changent, se lavent, on n'est pas arrivé avant minuit certain. Le lendemain, on repart à 9h le matin pour le match de Jonquière, tu sais, fait que c'est sûr que l'idéal serait ça, mais c'est très coûteux un coucher dans les hôtels, là, puis non, on fait le voyage. Gardez votre argent pour le band, pour les tournois. Et puis c'est normal. Donc, du côté des Marquis, Mathieu Bouchard et Alexis Charles Gagné sont les deux meilleurs joueurs. Hey, Daniel, puisque je t'ai, les gens ne savent pas, mais t'es le beau-frère de Gilles Bouchard, qui est l'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, qu'on parle de temps en temps, on l'appelle étant donné qu'il vient de Normandin. Hey, je ne sais pas si tu as la chance de lui parler, mais il connaît toute une année, lui, avec les Huskies. Écoute, oui, j'ai la chance de lui parler à peu près à tous les jours. OK, ouais, OK. On parle beaucoup ensemble, on s'écrit beaucoup, d'ailleurs, par texto. Ouais. On s'écrit plus qu'on se parle, en fait, par texto. Oui, Gilles connaît une très, très belle saison, mais je dois te dire que Gilles récolte qu'est-ce qu'il sème. Ouais. Gilles, c'est un travailleur acharné, c'est un entraîneur extrêmement exigeant pour ses joueurs. Il accepte pas de demi-mesure, puis moi je pense que je suis très très content pour lui parce que il récolte vraiment le fruit de ses semences. OK, donc on va lui parler prochainement, on va l'appeler voir comment ça va parce que j'ai vu quelque chose passer dans le junior puis j'aimerais savoir avoir ses commentaires. Ben Daniel Tremblay, un gros merci, on s'en parle prochainement. Merci, l'instructeur des Castors de Beau, Daniel Tremblay.